L'émission 100% techno de DJ Ice. Inertie. Au platine sur le 95.3 DJ Ice. Sur Galaxy. sur Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. sur Galaxy. We'll be right back. Ice sur Galaxy. Thank you. sur Galaxy. Galaxy. sur Galaxy.

Thank you. Sur Galaxy.